Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je vous convoque cette fois-ci afin de mettre la main sur Sergueï Slomensky, russe de 37 ans au passé violent. Il a monté les échelons de la Bratva en devenant la référence du blanchiment d'argent. Celle-ci vous l'arrête à plusieurs reprises et en vain. Essentiellement sur la base protégée par les anciens militaires russes. Nous avons besoin de capturer vivant, et j'insiste sur le terme vivant, afin d'obtenir des informations sur ses contacts en France. Bon courage, monsieur. Bon courage, ma puce. On s'en fait. Voilà, ça va. J'ai besoin de tuer. Ouais, c'est une dinguerie, le truc. Moi, je peux pas faire ça, hein. Je te dis. Ou peut-être je vais le faire, parce que je t'aime bien. Moi, je pense qu'il faut tout péter. On est payé ou pas? Mais en vrai, c'est quoi ton plan? Quel plan tu me parles? Y'a pas de plan, on fonce dans le tas. Wesh les gars, c'est une dinguerie, c'est une vieille place de ouf. On va faire le tour là. Wesh les gars, on est pressés, wesh. Fais le tour là. Quelle est la vieille place qu'ils m'ont laissé? Ouais, gros, tu sais très bien que tu peux pas monter là. Moi je suis gaillard de ouf, je suis bourrin, ça. Comment ça? Je monte là-bas. Ils m'ont pas laissé de place. Mais pourquoi? Tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer échapper. Impossible à éviter. Pressé, toi, wesh. Grave, tu vas où? Putain, je sais pas parler russe. C'est parler russe, ça? Oh, bah oui, russe, c'est notre vrai de du moine. Eh, mais je sais pas, je sais parler lingala. Tu sais comment on dit? On t'a eu en lingala? Ouais. Tozuiro. Va alors, Vladimir. On est coincé. Ma petite poupée russe, ça t'as quoi? T'as fait courir mon gars Naza depuis là, il est là à côté de toi, tu dis rien. Naza, il est à côté de toi, tu dis pas.